L'existence même du Hamas, c'est-à-dire d'un très puissant courant islamiste radical au sein du monde palestinien, a déjà eu des conséquences sur les chrétiens depuis 20 ans. Les deux tiers, sinon les trois quarts des chrétiens palestiniens, ont été obligés de s'exiler au cours des 20 dernières années en raison d'un climat d'oppression, voire de persécution, qui venait soit des mouvements islamistes eux-mêmes, soit de l'autorité palestinienne, soit Arafat, qui était obligé de se concilier les islamistes en adoptant une attitude extrêmement brutale vis-à-vis des chrétiens. Pourtant, les chrétiens palestiniens ne s'en sont jamais plaints. Ils avaient plutôt tendance à soutenir l'autorité palestinienne. Je crois qu'il faut se mettre à la place des chrétiens palestiniens. Les chrétiens palestiniens, qui sont de culture arabe, ils ont longtemps partagé l'état d'esprit général du monde arabe. Donc ils ont été longtemps inclinés à un nationalisme très affirmé et qui impliquait notamment une opposition totale au sionisme et à l'État d'Israël. À une époque plus récente, les chrétiens palestiniens ont commencé à comprendre qu'ils étaient pris dans un piège, qu'ils n'étaient pas en fait acceptés dans la nation palestinienne en devenir, mais à ce moment-là, il était trop tard pour eux de faire quoi que ce soit, leur seul souci était de réussir à survivre ou de réussir à partir dans les meilleures conditions. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les chrétiens palestiniens ne sont pas acceptés par le Hamas? L'idéologie du Hamas est résumée dans un texte qui s'appelle la charte du Hamas. Il est entièrement fondé sur la notion de l'application stricte de la charia. Il dit que, en fait, la question palestinienne n'existe que sous l'angle du djihad. Et il y a un autre article qui dit que ni les dirigeants palestiniens, ni les dirigeants arabes, ni les dirigeants musulmans ne peuvent faire la moindre concession sur la Palestine. Parce qu'à partir du moment où la Palestine a été conquise militairement à un moment dans le passé par les musulmans, elle est musulmane à jamais. Et cet article ajoute, et bien entendu, cette loi sur la Palestine est la même qui s'applique à toutes les autres régions qui ont pu être conquises militairement par les musulmans à un moment quelconque dans le passé. Et pourtant, il y a quelques jours, le roi Abdallah II de Jordanie, par exemple, a garanti que la présence des chrétiens à Jérusalem serait sauvegardée. Je crois qu'il faut comprendre, au Moyen-Orient, nous avons des gouvernements, des élites, et nous avons ensuite le reste de la société. Les gouvernements sont, si l'on excepte le cas tout à fait particulier de l'Iran, si l'on excepte le cas très complexe de la Syrie de Bachar el-Assad, la plupart des gouvernements se sont ralliés à une analyse réaliste. Mais l'ensemble de la société reste emprisonné dans ce que j'appellerais une sorte de totalitarisme qui est dans les esprits. Et des courants islamistes analogues à celui du Hamas sont en fait présents dans la plupart des pays musulmans de la région. Dans ce contexte-là, c'est extrêmement important que Israël ou les pays occidentaux soient respectés dans la région en tant que puissance politique et militaire. Vous dites que les Occidentaux devraient savoir se faire respecter et les Américains ont essayé d'exporter la démocratie. Regardez le résultat. Une grande erreur, c'est de croire que la démocratie, c'est un bloc. C'est-à-dire que là où il y a eu des élections qui ont l'air d'être des élections libres, eh ben voilà, il y a la démocratie. La démocratie ne peut pas exister si vous n'avez pas une société civile. Dans quelle mesure y a-t-il actuellement des sociétés civiles dans le monde arabe et islamique?